Se libérer de la programmation astrale. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! L'intégration de la vibration du plan mental permet à l'individu, vivant la fusion avec l'esprit, d'agir de manière à se libérer de la programmation le liant au plan astral et de l'influence de mémoire et d'entité de basse vibration. Elle lui donne la possibilité de se développer en bénéficiant de l'éclairage de l'intelligence de l'esprit. Par exemple, l'individu qui a subi de la violence physique, verbale et psychologique venant de ses parents et ses camarades de classe durant l'enfance, est capable de se libérer de l'influence des mémoires de ses comportements et des souffrances émotionnelles qu'elles ont engendrées qui pourraient le lier psychiquement au plan astral et l'amener à développer un esprit de domination. Au lieu de reproduire ses comportements qu'il a subis machinalement et inconsciemment avec ses proches, il est capable d'adopter des comportements nouveaux en relation avec l'intégration de l'intelligence de l'esprit. Ces derniers n'ont rien à voir avec ce qu'il a connu lors de son enfance. Il est capable d'agir de manière à se libérer du conditionnement du passé. Par exemple, il est en mesure d'avoir des rapports respectueux avec des gens dans son environnement sans chercher à les dominer par la violence physique. Exemple, frapper les personnes, verbal, injurier, insulter, crier des noms, et psychologique, humilier, rabaisser, dévaloriser et dominer. Puis, s'il y a des gens qui cherchent à avoir de tels comportements avec lui, soit qu'il les conteste pour les amener à agir de manière plus appropriée, les ajuster et rehausser leurs vibrations, ou s'il voit qu'il ne peut les changer, s'éloigner d'eux. Donc, il ne cherche pas à dominer les autres et il ne se laisse pas dominer par eux. Ainsi, il est capable d'offrir une qualité de rapport relationnel qu'il n'a pas eu dans son passé avec les gens. Il est en mesure de mettre fin à son échelle au cycle de l'inconscience qui faisait en sorte que les gens de sa famille ont été violents entre eux au fil des générations. Ses parents reproduisaient de manière machinale et inconsciente les comportements de violence et de domination de ses ancêtres qu'ils subissaient eux aussi sans les remettre en question. Il peut être la première personne de sa famille à être capable de réellement écouter les autres personnes à qui il parle sans qu'il génère de la réflexion dans son égo. À la différence de ses ancêtres qui fonctionnaient avec un égo en relation avec des mémoires et l'influence d'entités les rattachant au plan astral, ces dernières pouvaient les amener à s'écouter parler par orgueil et narcissisme ou à chercher à dominer les autres par leurs paroles pour avoir raison et leur faire peur ou vivre dans leur peur avec un esprit de soumission. Donc, ils vivaient dans un climat de peur se rapportant à la dynamique dominant-dominé plutôt que dans l'amour réel et dans des rapports égalitaires. L'individu conscient est capable de se comporter de manière respectueuse avec sa compagne et l'écouter réellement alors que son père ne l'était pas envers sa mère pour des raisons d'inconscience. Il est en mesure d'avoir un vécu de couple plus harmonieux que ses ancêtres qui fonctionnaient sous l'influence d'entités astrales lourdes et pernicieuses. En plus d'être libre de l'influence de ses ancêtres, l'individu conscient est en mesure de vivre sa vie en dehors des habitudes, croyances et conditionnements sociaux de son environnement. Il est libre de l'influence collective et il trace sa propre trajectoire en s'appuyant sur l'éclairage de l'intelligence de l'esprit qu'il canalise de manière volontairement consciente. S'il en a la vibration, il peut se mettre en action pour faire des choses dans son quotidien qui n'ont aucun rapport avec l'influence du milieu social d'où il est issu. Par exemple, il peut décider de faire des placements boursiers avec un risque calculé dans l'optique de s'enrichir à long terme au lieu d'acheter des billets de loterie chaque semaine comme ses parents et amis l'ont fait dans l'espoir d'être riche un jour, alors que c'est peu probable que cela arrive. Il peut décider que soit prélevé automatiquement un montant d'argent chaque semaine dans son compte pour faire des placements boursiers plutôt que prendre ce montant d'argent et acheter des billets de loterie. S'il évalue que les placements peuvent réellement améliorer sa situation financière à long terme. La personne qui agit ainsi pendant 35 ans a des probabilités de se retrouver en meilleure situation financière rendue à l'âge de la retraite que ses parents qui ont acheté de la loterie pendant plus de 35 ans. Il peut décider de faire des études à l'université en vue d'avoir un meilleur sort professionnel que ses parents, alors que ces derniers et les gens de son milieu n'en ont pas fait et ne l'ont pas encouragé en ce sens. Il peut agir ainsi alors qu'il est entouré de gens qui n'ont aucune ouverture pour apprendre de nouvelles choses parce qu'ils sont sous l'influence d'entités astrales qui veulent qu'il reste ignorant pour tirer avantage de cette situation, les rendant extrêmement vulnérables. Il peut étudier l'instruction supramentale même si les gens de son environnement ne le soutiennent pas en ce sens parce qu'ils ne sont pas capables de la comprendre et vont nier son existence et la ridiculiser s'il en parle. Il peut vivre en fonction de la science de l'esprit à la différence des gens de son environnement qui ne sont pas en mesure de l'intégrer et qui vont vivre plutôt en fonction d'un état d'ignorance les liant au plan astral. Il peut décider qu'il ne pratique pas une religion impliquant d'aller à la messe tous les dimanches, à la différence de ses ancêtres. Il peut choisir d'utiliser à la place ce temps pour faire des activités pour améliorer sa situation sur le plan personnel ou se reposer. Il peut décider de vivre avec sa compagne sans faire un mariage religieux avec elle, à la différence de ses ancêtres. Il peut décider de manger de la nourriture essentiellement végétarienne, comportant peu de sodium et de sucre, alors que ses parents n'en mangeaient pas et souffrent aujourd'hui de problèmes de santé graves liés à de mauvaises habitudes alimentaires s'échelonnant sur plusieurs décennies. Il est capable de vivre sans boire de boissons gazeuses, même s'il est entouré de gens qui en consomment. Il peut se renseigner par lui-même à l'âge adulte sur l'alimentation à consommer pour favoriser sa santé et agir en ce sens plutôt que de continuer à consommer les mêmes choses que ses parents lui ont servi durant son enfance. Donc, il peut mieux s'alimenter que ses ancêtres. Il peut apprendre à bien parler en français même si la plupart des gens de son environnement ne parle pas d'une manière adéquate cette langue et font constamment des erreurs. Il peut avoir la force de volonté de ne pas se laisser imprégner de leurs propos pour manifester un usage de cette langue qui correspond à sa vibration. Il peut apprendre à parler l'anglais même si les gens de son environnement ne parlent pas cette langue et ne sont pas intéressés par elle alors que son usage est répandu à l'échelle internationale. L'individu conscient peut vivre dans une habitation en ordre, même si dans son enfance l'endroit où il a vécu était dans le désordre. Je vais arrêter à présent de donner des exemples de choses concrètes que la personne peut faire dans son quotidien pour manifester sa conscience individuelle qui diverge de son milieu. Bien entendu, la liste pourrait encore être longue. Ce sont des exemples fictifs parce que je ne connais pas de personne qui aurait eu à accomplir toutes ces choses dans une seule existence. Le but de présenter ces exemples n'est pas de dire aux gens d'agir ainsi parce que sinon ce seraient des propos moralisateurs et de haute spiritualité. Il n'existe pas de recette qui fonctionne pour tout le monde dans le domaine de l'intégration de la conscience supramentale, car c'est du cas par cas. C'est une conscience individuelle. Par exemple, pour une personne qui veut travailler aux États-Unis, il peut être pertinent d'apprendre l'anglais, et pour une autre qui veut travailler en Chine, d'apprendre le chinois parce que cela dépend du lieu où elle va aller œuvrer. Donc, le parcours individuel d'une personne détermine la pertinence de faire une chose ou non. Le but de présenter ces exemples est plutôt d'inviter les gens qui se conscientisent à manifester dans leur vie des comportements qui divergent de l'influence sociale dans laquelle ils baignent, s'ils ont la vibration d'agir ainsi pour rehausser leur taux vibratoire et être mieux dans leur peau. Percevoir ce qui doit être fait vibratoirement est une chose, mais d'agir en conséquence et de persister, alors que l'environnement est défavorable à de tels changements, en est une autre et demande une grande force de volonté. C'est cela qui fait la différence entre une personne qui est passive ou active dans la manifestation de sa conscience dans son quotidien. C'est ce qui fait aussi la différence entre une personne qui se soumet à des influences collectives néfastes et de basse vibration ou qui est capable de s'individualiser pour agir au-delà de ces dernières et manifester une vibration plus haute pour elle sans le support du collectif. En terminant, c'est ce qui fait la différence entre une personne qui est libre ou non du conditionnement social et de l'astral. Voilà ce qui complète à présent la lecture du texte que vous pouvez retrouver sur le lien en bas de cet enregistrement et qui s'intitule « Se libérer de la programmation astrale ».